business. So I don't look like them other bitches. Let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. L'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Dernière de la semaine pour C'est que du fun, avec moi pour m'accompagner, il y a Kaufman. Et salut, ouais, Kaufman, ça va bien? Dernière de la semaine, mais dernière de la saison aussi. Hein. Dernière de l'été aussi, puisque lundi à 17h, ça sera l'Happy Hour avec Audrey qui revient. Ils sont en forme, ils sont beaux, ils sont frais. Ils sont, ah, ils sont là, ils travaillent beaucoup. Hein. Ouais, effectivement. Oh là là, que des nouveautés qui vous attendent dès lundi à 17h. Il y a également Laurence qui est avec nous, ça va Laurence? Bah, ça va super bien et toi? Oui, je suis en pleine forme, au taquet, on est bien, c'est bientôt le week-end. C'est bientôt les vacances aussi. Aussi. Il y aura le Sarah le Salove dans quelques secondes. Laurence, tu as levé sur quoi? Ben, on dit souvent que la vengeance c'est un plat qui se mange froid, mais là ça a été retour à l'expéditeur pour le plat. Ok, Kaufman, toi tu vas râler? Ouais, je vais vous parler de l'adorable petit beau qu'une femme de ménage a laissé à un client dans un hôtel, et vous allez voir, c'est, ça peut prêter à confusion. Il y aura aussi le Fun Beauty, Laurence. Alors on va parler d'une cure un peu spéciale, hein, qui concerne les cheveux, mais je vous en parle tout à l'heure. Ok, Kaufman, le Fun Game. Musique de jeux vidéo au programme de cette première partie de Fun Game. Et on a toujours des cadeaux pour aller faire du wave karting. Ah bah on vous offrira vos places pour nous accompagner fin août du côté de Zeebruges pour faire du wave karting, un sport extrême qui vous emmènera surfer sur la mer. Envoyez déjà MER, MER au 6322 pour 1€ le message. Il y aura tous les animateurs de Fun Radio et d'autres auditeurs. Bref, on va bien se marrer. Ça se passera fin août, c'est bien ça? Oui, fin août. On apparemment, ça s'annonce très très beau pour fin août. Carlo va nous le dire peut-être dans quelques minutes, mais hein, ça s'annonce beau. Hein. Alors on est mal barré si c'est lui qui l'annonce. Allez, il est 17h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Le CRISP a analysé près de 74 000 entreprises présentes en Wallonie, même qu'à peine 2% d'entre elles relèvent de groupes étrangers. C'est pas énorme, mais ça représente quand même près du tiers de l'emploi wallon et plus de 53% du chiffre d'affaires des boîtes installées dans le sud du pays. Ah bah oui, IKEA emploie plus de personnel et génère plus de pognon que la boucherie du pont, hein, c'est clair. Cela dit, ce sont les groupes français qui sont les plus gros employeurs étrangers, devant les Néerlandais et les Américains. L'enseignement est gratuit en Belgique. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Constitution. Seulement, il faut croire que dans le milieu concerné, il n'y a pas grand monde qui l'a lu, hein, vu qu'une étude de la Ligue des Familles révèle qu'une année scolaire peut coûter en moyenne 1 225 € dans le primaire et plus de 1 500 € dans le secondaire. Du coup, la Ligue, ainsi que Testachat, lance une pétition pour demander une limitation de ces frais importants, parce que dans des conditions pareilles, l'école peut difficilement jouer son rôle d'ascenseur social, et de fait, il ne le joue pas. Elle ne le joue pas, pardon. Les deux organisations veulent donc que la gratuité de l'enseignement soit garantie, de même que le matos utilisé dans le général, mais surtout dans le technique et le professionnel, parce que là, ça peut coûter très cher. Les activités extrascolaires liées à un contenu pédagogique aussi pourraient être gratos. Enfin, il faudrait fixer un plafond pour les voyages scolaires. C'est donc ce qui est demandé dans la pétition. En janvier dernier, était mis en œuvre l'accord historique sur le nucléaire iranien, et dans la foulée, l'Iran avait libéré 5 Américains, même qu'au début du mois, le Wall Street Journal affirmait que Washington avait versé plusieurs centaines de millions de dollars à Téhéran en échange de ces 5 personnes. Le département d'État US avait réagi en affirmant que les deux affaires n'étaient absolument pas liées. Mais hier, il a reconnu qu'en fait, si, elles étaient liées, tout en réaffirmant qu'il ne s'agissait pas d'une rançon. Bon, d'accord, mais alors on peut se demander comment il faut appeler ça. Hein. Enfin, on peut appeler déception la défaite des Red Lions, notre équipe nationale de hockey sur gazon, en finale du tournoi olympique face à l'Argentine, défaite 4-2. C'est que les Belges, qui avaient battu des équipes théoriquement plus fortes, étaient légèrement favoris face aux Argentins. Mais bon, on se consolera en se disant qu'une médaille d'argent, c'est déjà très joli, d'autant que la dernière fois que la Belgique avait remporté une breloque dans un sport collectif au JO, c'était à Berlin en 1936, et il ne s'agissait que du bronze en water-polo. Et puis il y a quelques Belges qui sont contents tout de même, à savoir Eddy Merckx et sa famille, puisque dans l'équipe championne olympique figure Luca Masso, le petit-fils d'Eddy, qui a la double nationalité belgo-argentine.

Le Saral Salove, on commence par Laurence qui a lové quelque chose dans l'actu. Exact, en fait les ruptures bah, c'est jamais facile, t'en as toujours un, au moins un des deux qui est dégoûté, en colère et qui veut se venger. Ah oui, toujours ça. Et donc du coup l'ex de Donna c'est ce qu'il a voulu faire en notant donc, le numéro de Donna dans des toilettes publiques. Ok. En plus en notant, si vous voulez une partie de Jean Bollère, appelez-la. Donc très charmant déjà. Et donc Marc, en fait, un camionneur est passé par là et donc il a décidé de prendre le pari et il a appelé. Ok. Et donc du coup, il commence à sympathiser avec Donna et tout. Et au final, 8 ans après, ils ont 2 enfants et ils vont se marier. Alors qu'ils se sont rencontrés dans les toilettes. Ben même pas en fait, ouais, ça part d'une vengeance de l'ex et au final ça s'est retourné contre lui parce que grâce à l'ex, en fait, Donna a retrouvé l'homme de sa vie. Ah, c'est et bon. Donc moi j'ai lové parce que voilà, c'est qui, enfin celui qui croyait être pris, enfin voilà. Ouais, il s'est fait avoir. Exactement. Les camionneurs ont un pouvoir de séduction et surtout une grande cabine. Surtout ça, oui. Kaufman, toi t'as râlé. Hein. Oui, je vais vous parler de l'adorable petit mot d'une femme de ménage qui a laissé une femme de ménage, une ménage dans un hôtel. Ouais. C'est l'histoire d'un homme qui est de passage justement dans un hôtel. Il a eu l'agréable surprise une fois de retour dans sa chambre, de recevoir un petit mot de sa femme de ménage sur son coussin, jusque-là très sympathique. Bonjour, j'espère que vous appréciez votre séjour. Laissez-nous savoir si vous avez besoin de quelque chose. Ok, très bien. Jusque-là, pas de problème. Ouais, ça va. Sauf que le mot se conclut sur la petite note. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Oui. Il a posté ça sur Twitter. Vague de réactions monumentale. Bah oui, franchement, c'est un peu tendancieux. Ouais. Bien sûr, ouais. C'est la femme de ménage qui a mis ça sur. Ouais. T'imagines qu'elle travaille la nuit. Vous êtes qui? La femme d'ouvrage. Et puis le coussin sur la tête. Oh non, oh, dégueulasse. Et puis ça. Il étouffe pendant son sommeil. Bah oui, il fallait vivre votre jour, ce jour comme si c'était le dernier. Mais on embrasse DSK pour cette anecdote très gentille, merci DSK. Pour la suite, ça se passe avec le combien ça coûte, on a plein de cadeaux à faire gagner, Kaufman. Bah pour cette dernière, de C'est que du fun pour cet été en tout cas, on a des goodies jeux vidéo, des jeux vidéo et encore bien plus, on a de quoi vous régaler. Et ça sera juste après Martin Solveig, Do It Right, C'est que du fun. Été sur Fun Radio. Je suis à la plage avec Fun Radio à fond. Fun Radio. En mode summer. Do you recall not long ago when you were walking? always care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Marcus, fire gun, we need someone to lean on. Marcus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Marcus, fire gun, we need someone to lean on. Marcus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Bon après-midi sur Fun Radio, le son dance floor continue, Justin Timberlake. C'est le moment de jouer au combien ça coûte, le principe est simple. Non, stop, c'est moi qui vais le faire aujourd'hui. Ah. C'est la dernière émission, j'ai décidé de prendre le contrôle. D'accord. Un petit peu, de faire le combien ça coûte. Oui. J'ai donc un prix en tête, à vous de le deviner. Si vous avez une petite idée, vous nous l'envoyez au 6322. Vous indiquez dans votre SMS de à quoi vous pensez. Ouais. Nous, on vous dit si c'est vrai, si c'est faux. Et celui qui trouve, eh bien, remportera des goodies jeux vidéo, des jeux vidéo. Enfin, on a plein de trucs sympas. C'est la dernière. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas. Mon prix aujourd'hui est de 299€. Si ce prix vous dit déjà quelque chose, envoyez-nous par SMS au 6322 pour 1€ le message. Votre idée. Allez, j'attends vos questions. Allons-y. Ah, on peut poser des questions. Moi, Laurent, moi aussi je peux poser? Oui, vas-y, vas-y. Oh, wow, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est grand? C'est moyen. C'est moyen, ok. Est-ce que c'est un accessoire de mode, pardon? C'est pas un accessoire de mode. Est-ce que c'est un vêtement? Un vêtement? Non. Ouais. Je vous rappelle le prix, 299 ah, oui. euros. 299€, c'est vrai. Est-ce qu'on peut l'acheter dans un supermarché? On peut l'acheter dans un supermarché. Ah ouais? Ouais, dans un grand supermarché. Est-ce que c'est. Non, c'est pas alimentaire? Non. Ok. Est-ce qu'il y en a dans tous les pays? Et il y en a dans tous les pays, ouais. Ok. Est-ce que c'est transportable? C'est transportable. D'accord. Est-ce que ça fait du bruit en tant que tel? Oui, ça fait du bruit. Ça fait du bruit? Ouais. C'est transportable. Est-ce que c'est un. C'est un jouet? C'est un jouet pour. Wow, c'est difficile. Elle est compliquée ta question. T'as vu comment j'ai galéré pendant deux mois? Elle est compliquée ta question. Ça peut être apparenté à un jouet, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que c'est électronique? C'est électronique. On le branche quelque part? On le branche à la télévision, ouais. À la télévision? Et je dirais même mieux, on la branche à la télévision. On la branche? Ouais. C'est une fille alors? C'est en tout cas un nom féminin, c'est comme ça qu'on dit. D'accord, si on a la bonne réponse, on l'envoie où? On l'envoie au 6322, on nous dit une tablette au 6322, ce n'est pas ça. On nous dit un lecteur DVD, ce n'est pas ça. Okay. Et puis on continue à nous envoyer vos propositions, 6322 avec vos idées, le prix est de 299€. À vous de nous dire ce qui se cache derrière ce prix. Est-ce que c'est Hi-Fi? C'est pas Hi-Fi, mais ça peut sortir de la musique et donc du son. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut l'utiliser à plusieurs? On peut évidemment l'utiliser à plusieurs. Est-ce que c'est un objet qui peut permettre de sourire? De sourire. Ouais. Exprime-toi. Est-ce que c'est un objet quand tu fais cet objet, je sais pas ce que c'est, quand tu fais l'objet là, oui. T'es heureux après. Si tu parles de moi, je dis oui. Est-ce que comme tu le fais pour le dernier jour, est-ce que c'est un indice ça? Est-ce que toi t'es l'indice? C'est un indice. Moi je suis un indice. Ouais. Toi t'es un indice. Kaufman t'es un indice. Donc est-ce que ça concerne en fait ton domaine? Oui. Pas mon front, mais mon domaine. Okay, très bien. Ça concerne donc le fun game. Ça concerne le fun game, ouais. Ok, très bien. Bah 299 €. C'est pas un jeu vidéo. À 299 €, ça fait cher. Cher, hein. Ah, ouais. Attendez, on récapitule. Okay. C'est un objet électronique qu'on peut transporter éventuellement, qui se branche à la télévision, qui a rapport avec mon domaine d'activité, autrement dit, les jeux vidéo. Ouais. Si vous avez une idée, c'est maintenant que ça va se passer. Pour cette dernière émission, on déstocke nos cadeaux. Vous envoyez votre proposition au 6322 pour 1 € le message. Et je veux le modèle précis. Voilà, c'est un indice, je veux le modèle précis. Ok, très bien. Est-ce que c'est une console portable? Non, mais c'est une console. C'est une console. Est-ce que ça concerne Sony? Ça concerne Sony. Ah, est-ce que c'est la PS1? Ça coûte cher quand même ta PS1. Mais À 299 €, je te fais un prix. Non, c'est pas ça. Merci, c'est gentil. Bah, c'est pas la PS3 non plus. Non, bah, il reste un modèle. Hein, vous il y a envoyez... la PS2 eh, vous oubliez la PS2. Go. À 299, ça me paraît très cher. Vous envoyez le modèle dont il s'agit au 6322. Et juste après, eh bien, on appelle le gagnant pour lui offrir plein de cadeaux jeux vidéo, justement. Ça tombe bien. Ok, on prend le gagnant juste après. Justin Timberlake sur Fun Radio. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc 3... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Mobit Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Comment bien manger? Quand on n'a pas de verger. Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges... Super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines claudes bien sucrées. Et les présidents... Idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Like a Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. Suddenly it hits you, you know where you are. It's a brand new start, a change of pace. Opportunity knocks, don't let it slip away. Better times to come, it's never too late. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. Suddenly it hits you, you know where you wanna be. On the run, your mind is like a battlefield without guns. On the run, on the run.

On continue le son dance floor avec Cheat Codes. Et on était dans le jeu du combien ça coûte avec Kaufman. Rappelle-nous déjà le prix, Kaufman. Le prix, 239 €. Vous étiez nombreuses et nombreux à participer au 63-22 et on accueille Stéphane qui est avec nous. Salut Stéphane. Salut Steph. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Salut, salut. Alors, quelle nouvelle de ton côté? Tu nous appelles d'où et tu as quel âge? Ben, je vous appelle de... Enfin, ici, je suis sur la route, mais bon, ici, j'habite Pont-Loup et j'ai 33 ans. D'accord. Parfait, Stéphane, ça va, hein? Le mec, j'ai 33 ans, mes coordonnées bancaires, c'est... Non, non, mais il vient de sortir ses cartes d'identité. Voilà. C'est contrôle d'identité. Non, c'est Stéphane. Il n'y a pas besoin, non, quoi. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Tu nous as envoyé quoi au 63-22? Ben, je vous ai envoyé PlayStation 4 de Sony. On vérifie. Belle radio. Dance. Dance. Dance. Wow. Bien joué Stéphane. Tu repars avec un très beau cadeau Stéphane. Tu repars avec des goodies jeux vidéo. Tu aimes bien ça les jeux vidéo? Ah ouais ouais. Eh ben, on va t'offrir quelques objets collector qui arriveront très très vite chez toi. Voilà. Passe une bonne soirée Stéphane. C'est bien gentil, merci à vous. De rien. Avec grand plaisir. Bisous bisous Stéphane. Salut. Bonne soirée. Bisous. On prend tes coordonnées hors antenne. Ne bouge surtout pas pour la suite. Le Fun Beauty Laurence. Okay. Alors oui, on va parler des cheveux gras avec une cure un peu spéciale, mais je vous explique tout dans un instant. Tout ça juste après Cheat Code sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Comment bien manger? Quand on n'a pas de verger. Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges? Super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines claudes bien sucrées. Et les présidents? Idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Correspondant, qu'est-ce que c'est? C'est qui la Gauthier qui boit de la bière? Je te présente Sacha. Fun Radio vous invite à l'avant-première du film Le Correspondant, le mardi 23 août à l'UGC Toison d'Or, avec la présence de Jimmy Labeu après la projection. Règle A, on doit devenir camarade avec son correspondant. Je te préviens, toi tu dors par terre. Pour remporter vos places, envoyez Ciné au 6322 et découvrez tout de suite si vous avez gagné. Chérie, on a un gros problème avec la petite Bosch. T'as pas pu faire l'espagnol toi? Ciné au 6322, 1 € par message. Let's go! C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Sex. Let's talk about sex. tranquille, posé sur Fun Radio avec le son de Kid Noise. Dans quelques minutes, le Fun Game avec Kaufman. On a pris des musiques de jeux vidéo. On parlera de musique et de musique, donc de jeux vidéo. On vous expliquera tout dans quelques minutes maintenant. On a encore des places pour aller faire du wave karting. Pour cela, vous envoyez MER, MER au 6322 pour nous accompagner. Ah, on a de la date maintenant, c'est fin août. Donc on est encore un peu dans l'été, c'est ça qui fait plaisir. Et il va faire beau, hein, Carlo l'a dit. Ouais. Une journée exceptionnelle, je pèse mes mots. Vous allez nous rejoindre pour faire du wave karting, cette discipline à la fois sympa, à la fois fun, qui vous permettra de prendre la mer sur un engin. Tu vois, on dirait un poète. Oui, on voit un poète en bois quand même. Et pour gagner votre cadeau, vous envoyez mer. Vous envoyez mer, hein. MER au 6322 pour un drôle message. Croyez-moi, on va bien se marrer. C'est moi qui vous le dis. On va bien rigoler. Allez, place au Fun Beauty de Laurence, c'est parti. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. On s'occupe des cheveux. Exactement. Bah, ma petite question du jour, parce que j'aime bien connaître votre vie quand même. Oui, bien sûr. Vous vous lavez combien de fois les cheveux par semaine? Les cheveux chez Kaufman. Les cheveux chez Kaufman, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cheveux Kaufman, si? Bah, le peu qui reste. Ah, le peu qui reste, tu te laves? Bah, moi, je prends un peu d'eau et ça suffit. Moi, lui, il ne se lave pas. Ok, merci. Moi, tous les jours. Ouais. Parce que c'est pas bon pour les cheveux. C'est pas très bon, mais. Ouais, tous les jours, bien sûr. Ah ben tu vas être comme moi dans quelques années. Ouais, je sais, c'est pas bon, faut pas le faire, je crois. Ben justement, je vais aussi l'expliquer, je vais parler de ton cas aussi, parce qu'en fait je vous conseille d'essayer la cure de sébum. C'est quoi ça? Ben la cure de sébum, en fait, c'est le fait de ne pas se laver les cheveux pendant un mois. Un mois? Genre zéro lavage de cheveux. Mais c'est crade. Ben justement, c'est crado, ouais. Hein, je pense aussi. Mais en fait on se demande à quoi ça sert. Donc du coup, on dit souvent que trop se laver les cheveux, c'est pas bon. Oui. Hein, David, t'es censé le savoir quand même. Je le sais. Oui. Mais se laver pas assez les cheveux non plus, bah ça sent pas bon du coup. Donc du coup, en fait, ce qu'on peut essayer de faire, c'est une cure de sébum. Parce qu'en fait, quand on se lave trop les cheveux, le cuir chevelu est attaqué, donc du coup, nos cheveux deviennent gras. Oui, ils sont très gras. Au plus ils sont gras, au plus on les lave. Ouais. Et alors, c'est un cercle vicieux, tu comprends? Oui. Et donc du coup, bah, on fait une cure de sébum, mais à quoi ça sert? Donc en fait, paradoxalement, ce qui va se passer, c'est qu'avec ta cure de sébum, ça va éviter tes cheveux gras. Ok, ouais. En ayant tes cheveux gras pendant un mois, en fait, le sébum va reprendre son cycle naturel, tout simplement. D'accord. Ok, ouais, je comprends. Donc, c'est une très bonne solution. En plus, ça rend les cheveux doux et brillants. Ok. Et ça les fait pousser beaucoup plus vite. Ah, sympa comme truc. Donc, c'est un mois sans se laver les cheveux. Exactement. Ok, et si on se rase les cheveux, ça fait quoi? Ben, si on se rase les cheveux, là, c'est autre chose. Là, en fait, tu donnes un nouveau souffle à ton truc capillaire, tout simplement. Ok, donc ça pourrait être aussi pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'ai pris une calculette. Je suis en train de savoir ce que tu dépenses en shampoing par semaine. Tu te les laves tous les jours. Ouais. Et alors? Bah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Bien sûr. Et en eau, imagine pas en eau, parce que je reste 20 minutes sous la douche, hein, minimum. Ouais, mais toi, t'attends qu'il pleuve pour te laver les cheveux. C'est ça. Allez, pour la suite, on a des places pour le wave karting à vous faire gagner, Kaufman, hein. Ah oui, on vous invite à Zeebrugge pour faire une discipline complètement neuve, complètement créative. On va bien s'éclater. Ça se passe à Zeebrugge le 28 août. On vous invite, hein, avec tous les animateurs, tous les auditeurs de Fun Radio. Big, big, big fiesta. Oui, c'est comme big, big. C'est dernier qui se lâche, là. Il se lâche. Big, big fiesta, c'est parti. On est en direct. Sur Fun Radio, DJ Kaufman, DJ Doof, il est bien là, oui. Il y a Kid Noise qui arrive avec Océane. Bien évidemment, les gars, c'est que du fun sur Fun Radio. something more. One day I'll stop it all, that's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. Ah c'est bon ça, et on continue le son Dance Floor avec Boosty. C'est le dernier jour pour gagner des places pour aller faire du wave karting. Le wave karting, c'est quoi Laurence, le wave karting? Le wave karting, c'est entre le jet ski et le bateau. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends, ouais, je suis pas con. Bah, tu l'as même fait en plus, ouais. Hein, on l'a expérimenté. Mais toi, t'étais pas très rassuré parce que déjà, l'eau, c'est pas trop ça. Exactement. Et en plus, c'est moi qui conduisais. Ouais, en plus. Donc, voilà, tout ça fait que c'est pas méga. Mais sinon, c'est une super expérience. Franchement, pour tous les casse-cou et même les autres d'ailleurs, pour ceux qui aiment la mer, pour ceux qui aiment l'eau, pour ceux qui aiment le jet ski et tout en général, bah, c'est vraiment une expérience de dingue. Nous, on l'a fait et on va le refaire aussi avec vous. Ça sera vraiment l'occasion de passer un bon moment avec les auditeurs et même un petit week-end hein, pour ceux qui veulent prolonger aussi le truc. Il n'y a aucun souci pour ça. Et donc, du coup, bah, on envoie MER, M-E-R, au 6322. C'est 1€ par message. Vous allez vraiment kiffer ce cadeau. C'est le dernier jour. Il nous reste 4 places à vous offrir. Après, on n'en a plus. Donc, allez-y. MER, M-E-R, au 6322. C'est 1€ par message. MER. MER au 6322. Et rajoutons aussi que c'est une expérience inédite en Belgique et même dans le monde, je suis pas sûr que ça se fasse. Donc voilà, vraiment, c'est une raison de plus après de faire le kéké, d'aller dire à tes potes, ouais, moi j'ai fait du wave karting, leur expliquer, et voilà. Ouais, c'est vraiment un magnifique cadeau, c'est le moment de jouer. Il y aura un gagnant dans moins d'une demi-heure ou dans moins d'une heure environ. Donc allez-y, envoyez MER, MER au 6322. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on vous offre depuis le début de l'été. On l'a testé, c'est vraiment du jet ski. On vous offre vraiment une expérience inédite à vivre avec les animateurs en plus de Fun Radio. Ouais. Vous allez passer une journée exceptionnelle, je vous le promets. Vous envoyez MER, M-E-R, au 6322. C'est 1€ par message. Il vous reste plus que quelques minutes pour les gagner. Après, on n'en a plus. Donc allez-y. Envoyez MER, M-E-R, au 6322. Pour la suite, ça se passe avec le Fog Game et le son Dance Floor avec Boosty. L'Happy Hour revient le 22 août avec toute son équipe. Accrochez-vous parce que ça fait 2 mois qu'ils n'ont plus lâché de conneries. Et ça va faire mal. Il leur faudra des choses plus solides parce qu'ils ramènent avec eux tous les kilos qu'ils ont pris pendant les vacances. La vie hour sur Fun Radio. Moi j'aime avoir des amis à la maison. Eh bien c'est le moment de les inviter pour un petit barbecue. Oui, et vous étonnez pas si nos super pilons de poulet paprika ou provençal s'invitent aussi. Ils sont en promo. Et ça, c'est peu cher. Peu cher. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos super pilons de poulet paprika ou provençal sont à seulement 2,50€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh Caro, je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que... j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Fun Radio. Fun Radio. Le son de Dance Floor. Just breathe.

L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et la musique dans les jeux vidéo, c'est important quand même. Oui, bah oui, c'est de plus en plus important, c'est de mieux en mieux fait aussi parce qu'on fait appel à des vrais compositeurs, des vrais réalisateurs. Et Spotify, célèbre fournisseur de musique pour ceux qui aiment écouter la musique en ligne, a eu la très bonne idée d'ouvrir un département jeux vidéo dans lequel tu trouves à la fois toutes les musiques de jeux vidéo, mais pas seulement. En fonction du type de jeu auquel tu joues, il te propose une playlist adaptée. Ah, sympa! Alors voilà, c'est plutôt une belle initiative. Vous êtes sur Spotify, rubrique jeux vidéo, et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa, et ça donne une autre dimension encore à l'art, au 7e art, au 9e art qu'est le jeu vidéo, parce que franchement, il y a des musiques, il y a des bandes originelles qui sont franchement à couper le souffle. Je pense notamment à BioShock qui procure une atmosphère invraisemblable. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Même certains jeux d'action sont parfois très très bien lotis à ce niveau-là. Et donc rendez-vous sur Spotify pour découvrir le département jeux vidéo. Et Spotify fait ça gratos? Ben, c'est comme pour le reste, hein. Il y a un petit abonnement à payer pour du streaming illimité. Pour le reste, vous faites votre vie. Ok, merci beaucoup Kaufman. Dans une heure, c'est quoi? Pokémon Go. On parlera de la déclaration choc, fracassante d'un évêque au sujet donc d'un des jeux les plus plébiscités cet été, à savoir Pokémon Go. D'accord, son dance floor, ça se passe avec Liam Summer. Et là, c'est les meilleurs moments de la Happy Hour avec Audrey. Ils sont de retour lundi. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. C'est l'appel bourré de Fab qui arrive maintenant. Fab, maintenant, il appelle des gens en mode bourrasse et il est saoul avec des questions à la con. Alors aujourd'hui, t'as appelé qui, Fab? Non, mais parce que. Alors moi, j'ai vu Titanic. Ouais? Titanic. Mieux vaut tard que jamais, hein. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai regardé dans Google. Titanic, il m'a donné un restaurant. Ouais. Ah, j'ai téléphoné pour voir comment ils allaient. Ah bah oui, parce que dans le film, ça se termine pas bien, ça quoi. Ça se pas bien. Ah bah on va prendre des nouvelles du resto tout de suite, c'est parti. Hein. Restaurant Titanic, bonjour. Ouf, ça répond, je suis rassuré, ça va. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour monsieur, c'est pour une réservation? Vous allez bien d'abord monsieur? Oui, très bien, merci, oui. Et tout le monde va bien? Oui, c'est de la part de qui monsieur? C'est Fab monsieur. Ok, j'ai eu peur, la peur de ma vie, je vous jure, j'ai vu le film hier, je me dis ouh. Je ne comprends pas monsieur, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le restaurant? Non, je connais personne, j'ai vu le film. Enfin, je connais un peu les Leonardo et la meuf qui avec lui, c'est plus qui c'est, mais c'est une salope parce que il y avait de la place pour eux deux, moi je vous le dis, hein, sur la planche, elle l'a laissé mourir. Excusez-moi, mais ça doit être un faux numéro, monsieur, je ne comprends pas. C'est pas le Titanic là, c'est pas vous? Si monsieur. Donc c'est pas, je me suis pas trompé. L'orchestre, dites-moi, il est arrivé quoi l'orchestre? Ils ont su s'en sortir? Monsieur, vous devez vous tromper, vous êtes dans un restaurant ici. Oui, il y avait un restaurant aussi dans le bateau, un grand restaurant, mais il a été inondé en premier, je crois. Ok, je crois que, ok, ça va, je crois qu'on a affaire à un con. Pardon? C'est quoi, c'est une blague? T'as rien à faire? Moi j'appelle pour prendre des nouvelles, parce que je m'inquiète, parce que j'ai vu le film hier, c'est à cause du naufrage que vous êtes pas sympathique, monsieur? Ça doit être ça. Je crois que le naufrage, il est pas tellement chez nous, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas, trouver un travail. J'ai un travail. De votre vie. Et voilà. Ben, j'appelle des gens. Moi, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Je suis très triste pour vous, mais c'est bien. Faites un bisou, capitaine, pour moi. S'il vous plaît. Autant que ça part. C'est gentil, monsieur. Merci. Et bonne journée. J'adore. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Memories on my mind, I think of you all the time. Thought I wanted to leave, but I just can't. Maybe we cross the line, I want you near for the night. Boy, come over here, say my name. I can't deny I'm tripping, got me so high. Drake pour la suite du son dance floor. All that I'm wishing for my friends, nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Dans quelques minutes, tu auras le Saral Salove avec Laurence. Tu vas lover ou tu vas râler, Laurence? J'ai râlé parce qu'elle était l'une des plus grandes stars à l'affiche du festival Puckle Pop, mais elle a bien déçu notre Eri. Ah, Rihanna? Bah ouais. Elle était en Belgique hier. Oui, elle était en Belgique, mais elle aurait peut-être pas dû. Ah bon? Pourquoi? Bah parce que c'était nul. Très bien, il y aura Kaufman donc, qui va lover lui dans quelques minutes. Il y aura aussi le Fun Game, le topito du jour, avec le top 5 des actus fous de la semaine. Vous allez jouer autour de la table. Et oui, attention, et même au 30-44, vous allez pouvoir jouer avec nous. Là, il est 18h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. La situation des migrants, réfugiés et autres damnés de la Terre peut, à l'occasion, susciter un petit peu d'empathie chez certaines personnes, comme chez la chancelière allemande Angela Merkel, fidèle à ses valeurs humanistes, malgré une opinion publique pas toujours au diapason. Et de temps à autre, un cas particulier provoque un élan de générosité en Europe, même si c'est trop rare. En général, les gens se disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et qu'il faut se méfier de tous ces musulmans qui pourraient se transformer en terroristes et obliger leurs femmes à aller se baigner en burkini. Il suffit de parcourir pendant quelques minutes les réseaux sociaux pour se rendre compte que la connerie humaine est insondable. Un bref élan de générosité, donc, elle concerne Ahmed, un Égyptien de 13 ans qui a débarqué dans le sud de l'Italie après avoir traversé la Grande Bleue dans les conditions que vous savez. Et s'il a réalisé ce dangereux périple, c'est pour trouver de l'aide pour son petit frère de 7 ans, atteint d'une grave maladie du sang. Certificat médical à la main, Ahmed a supplié les humanitaires de l'aider. Appel reçu, puisque la dose s'est retrouvée à la une des journaux italiens, provoquant un sursaut de générosité. Un pont aérien sera organisé entre l'Égypte et l'Italie pour faire venir toute sa famille. Un hôpital en Toscane étant prêt à soigner l'enfant malade. Une belle histoire, mais qui ne doit évidemment pas faire oublier que rien que depuis le début de l'année, ce sont 14 000 mineurs non accompagnés qui ont débarqué en Sicile et nombre d'entre eux ont disparu victimes de réseaux sans scrupules. Les médecins peuvent-ils être considérés comme des dealers? Visiblement, dans certains cas, on peut dire que oui. Prenons par exemple les analgésiques opioïdes. Ce sont des antidouleurs très puissants, destinés en principe à apaiser les patients qui luttent contre un cancer. Mais le problème, c'est que de plus en plus, ces médocs dérivés de la morphine sont prescrits pour des maux de dos ou aux articulations. On en consomme deux fois plus qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est vraiment déconné, parce qu'on peut devenir accro à ces produits et en mourir carrément en cas d'overdose. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué le décès du chanteur Prince il y a quelques mois. Il paraît qu'aux États-Unis, justement, c'est devenu un véritable fléau. Ce n'est pas encore le cas en Belgique, mais les firmes pharmaceutiques font tout ce qu'elles peuvent pour que ça le devienne, étant donné le lobbying intensif exercé sur les médecins. En football, le Sporting Anderlecht disputera bien la phase de poule en Europa League. Officiellement, ce n'est pas encore sûr, mais après leur victoire 0-3 au Slavia Prague, on voit pas trop ce qui pourrait arriver aux Mauves lors du match retour. Le BB se présente plutôt bien aussi pour Genk, qui a fait 2-2 en déplacement au Lokomotiv à Zagreb. Par contre, la Gantoise ne s'est pas vraiment rassurée en battant à domicile un petit club macédonien sur le score de 2-1. Le week-end place au championnat de Belgique avec ce soir un derby wallon qui déchaîne en général les passions entre le Standard et le Sporting de Charleroi. Charleroi toujours invaincu après 3 matchs. Fun. Fun Radio. Dans un instant, c'est le Saral Salove. Là, on fait un point sur la météo avec Carlo. Il n'a pas fait beau aujourd'hui. Ça va continuer un petit peu? Ce week-end, il fait un petit peu meilleur. Bon, okay. Rien de catastrophique. Et puis surtout, la semaine prochaine, ça annonce somptueuse. Ah. En tout cas, à partir de mardi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, près de 30 degrés et un ciel tout bleu. Parfait. Alors, forcément, du soleil. Enfin, il y a toujours là le soleil. Là, on ne le voit pas. Bon. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec David et le son de Drake. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. C'est que du fun. 17h-20h sur Fun Radio. Baby, I like it so. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Dans quelques minutes, Madonna sera sur Fun Radio. Mais là, on va lover et on va râler. On commence par Kaufman qui a lové. Ouais, je vais vous parler de la course-poursuite la plus lente au monde. C'est des internautes, en fait, qui ont filmé une scène de course-poursuite pour la moins étonnante. On pourrait croire qu'ils ont filmé au ralenti, car aussi bien la voiture poursuivie que les véhicules de police se déplacent lentement. Ah ouais ? Mais quand je dis lentement, c'est genre du 10 km/h. Une course poursuite comme ça. Ouais, et tu vois, t'as l'impression que c'est vraiment un time-lapse. Ouais. Donc ils ont mis un effet genre ralenti. Et non. Et en fait, l'explication réside dans le fait que c'était une rue dans laquelle il y avait des herses. Ouais. Et que les ravisseurs, pour pas se faire prendre, ont roulé très doucement pour la passer, pour passer les obstacles. Enfin, c'est une course poursuite à la Suisse. En fait, on a le temps. Il n'y a pas le feu au lac. Ouais, sympa les flics là-bas. Ouais, on est à 10 km/h, t'inquiète, on va pas aller plus vite. Et toi, Laurence, tu as râlé. Ouais, parce qu'elle était attendue avec impatience et ça a été la cata. Rihanna, hier, elle était à Puckle Pop, donc à Celt. Et franchement, elle aurait pas dû y aller hein, parce qu'au final, ça s'est très très mal terminé pour elle. Elle avait déjà 50 minutes de retard et la seule excuse qu'elle a trouvée, c'est de dire qu'elle avait un problème de garde-robe. Mais elle a mis qu'une tenue. Ah oui. Donc, cherchez l'erreur déjà. Et autre déception, la bad girl n'a fait que du playback, mais sans son micro. Ah, sans son micro, carrément. Ah oui, elle a fait du playback, mais elle touchait même pas le micro, donc même pas essayer de mimer le playback. Franchement, elle a fait aucun effort, donc ça a fini en huée, en boue, en tout ce que vous voulez, mais. C'est la cata quoi. Ah ouais, mais j'accepte pas ça moi. Les stars qui font du playback, mais après ils sont là pour là, ils sont payés, je pense, gracieusement. Mais, limite, il y a du playback bien fait. Franchement, il y a du playback où ils en jouent, où voilà, ils vont commencer à faire chanter le public, mais là, même pas. Elle s'en foutait même du playback, elle passait juste son temps à se pavaner, à prendre des poses suggestives, mais c'est tout. Moi, j'en ai marre des stars comme ça qui se racontent un petit peu, hein, Kaufman, non ? Moi, écoute, je peux rien dire parce qu'en radio, je suis en playback. Attends, c'est pour ça aussi. Je ne fais que bouger les lèvres. Allez, on a des places de cinéma à vous faire gagner avec le film de Jimmy Labeu. Eh oui, le correspondant, nouveau film, on vous invite en avant-première pour le rencontrer, lui, et voir son film Charles Berling, Sylvie Testu à l'affiche. Et lui, hein, bah, comme ça, vous voyez un peu la totale. Voici Madonna Music sur Fun Radio. And

Ah, ça y est. Ah, ils sont de retour, c'est bon. Ils sont survoltés. Moi, j'avais dit, venez, on fait un petit coucou aux copains de l'après, mais évidemment, Sandro, faut qu'il foute le bordel. Toujours comme d'habitude. À chaque fois. La Pioor est de retour, Audrey. Ça va bien, Audrey? Oh, bah super. Et c'est cool, on a vu de la lumière, on est rentré. On a fait un petit bonjour. En même temps, vous êtes chez vous. Hein. Ouais, pas encore. Lundi, on sera de retour. Lundi 17h, vous revenez. Ouais. Yeah. La Pioor revient avec des nouveautés, j'imagine. Non. Non, parce que ça aurait voulu dire qu'on a bossé, hein, et on fait pas ça. Comment ils font les malins? On les a vus tout l'été en train de travailler. Tiens, t'as une bonne idée. Tiens, on les entendait même gueuler, tu vois. En fait, on s'est inspiré de vous. On s'est dit, on va écouter ce qu'ils font et on fera la même chose. C'est gentil, hein. Je sais pas si c'est bien. Mais c'est gentil déjà. Ça s'est bien passé l'été, c'était cool. Ouais, c'était nickel. Parfait. Les auditeurs, ils ont été sympas avec vous. Ouais, l'avantage de travailler en studio, c'est que tu prends pas de coups de soleil. Je peux dire que vous êtes blancs comme des cafés d'aspirine, les gars. Contrairement à vous, parce que là, les deux, Sandro et Audrey, hein. Ça a profité pendant les vacances, hein. On a fait la carpette. Le concept de la carpette pendant l'été, c'est génial. Mais bon, vous revenez avec la même équipe? Ouais. Enfin, je suis pas sûre encore. En fait, peut-être pas Sandro, mais pour les autres, c'est sûr. Voilà. Donc, Sandro, on hésite encore. Sandro, donc, il y aura Fab, il y aura le kéké du standard, comme d'habitude, qui fait que des conneries. Ouais, et puis, Sandro. Voilà, Sandro qui a des moufles à la place des mains et qui va pousser sur les boutons tant bien que mal. Mais qui sera là aussi. Moi, j'ai entendu dire, pour donner une petite indice sur les nouveautés, qu'il y aurait peut-être une nouveauté culinaire. Ah, oui. Un cadeau culinaire. En deux mots ou en un mot? Excuse-moi. Mais t'es devenu drôle pendant l'été. Il est grave drôle. Je me suis reposé, c'est tout. Repars en vacances un petit peu. Allez, ça va. Finalement, on va te garder, mon Sandro. Ouais, il y aura des nouveautés culinaires pour tous les grands gourmands. Et puis, il y aura aussi une nouveauté pour les infidèles, puisqu'on va tester monsieur et madame pour voir si, ou non, il y a adultère, comme on dit. Si l'anguille est passée sous la roche. Ça va pas se passer comme ça. Kaufman, fais attention quand même maintenant. Non, pas de problème. Tu veux te faire pécho. C'est du style à être infidèle? Non, pas du tout. Je suis du style à être célibataire. Au moins, tu peux pécho tout ce que tu veux, comme c'est ça, pas de problème. Ça. Donc, on vous retrouve lundi à 17h, c'est bien ça? Yes, avec plaisir. On vous fait des gros bisous et éclatez-vous bien pour la dernière. Merci, c'est gentil. Bisous, les copains. À lundi, bisous. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Topito, le top 5 des actus food de la semaine. Il y aura aussi le fun game, Kaufman. Oui, on parlera de cet évêque qui a parlé de Pokémon Go, mais il en a parlé violemment. Le son dance floor, ça se passe avec Jonas Blue. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte, et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Il a trouvé une tête de Pikachu, lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Huawei P9 Lite à seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, 3... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des vacances de rêve. C'est bien, non? Oui, enfin, à part quelques petits débordements. De la piscine? Non, de mon jeans. Oh, le buffet à volonté. Ah oui, je vois. Achetez maintenant un jeans dame chez CA et recevez le deuxième à moitié prix. CA. Avec la carte Cora et le bon du Folder, jusqu'à 20% de remise au rayon papeterie. Une vraie leçon d'économie. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Fun Radio. Le son dance floor. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je

tube. Fun Radio. Zao. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura zappé. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Le son dance floor continue avec Tiesto. Dans quelques minutes, vos places pour aller faire du wave karting. Il y aura aussi le fun game avec Hoffman. Oui, on parlera d'un évêque qui n'aime pas Pokémon Go. Tu le fais toujours très bien, l'évêque, ça me passionne. Hein, cet esprit d'imitation que t'as en toi. Pourquoi? C'est parce que c'est le pape, c'est mon idole. Ah oui, je vois ça. Hein. Très bien. D'hôpitaux du jour, top 5 des actus fous de la semaine. 5e position depuis 16 ans. Yvon fait quelque chose tous les jours entre 15h30 et 17h. À votre avis, il fait quoi, Laurence et Kaufmann? Et c'est quoi? C'est une actu. Ah, c'est une actu un peu insolite. Hein. Il fait quelque chose d'un petit peu insolite. D'accord, il creuse sa tombe. Il creuse sa tombe? Non, c'est pas ça. Il se prend un selfie. Non plus. Ah, il faut encore proposer, mais ouais, ça peut être tout. Donne-nous un indice. C'est dehors, c'est à l'extérieur. Ah. Ça se passe à l'extérieur. Est-ce que c'est sportif? Non. Il fait un barbecue? Non. Est-ce que ça a à voir avec la circulation? Oui. Il fait la circulation? Non, presque en fait. Il se met sur un rond-point. Ouais. Et de 15h30 à 17h, il regarde les voitures passer. Mais non. Et je te jure. Pourquoi? Il fait ça tous les jours depuis 16 ans. Ça tous les jours. Je ne sais pas. Ok. Ça le passionne. Je comprends pas, je fais pareil, je me suis jamais retrouvé dans le journal. Quatrième position au Luxembourg. Des moniteurs ont fait une sortie avec des enfants. Ouais. Lors de la sortie, un enfant a mis le bazar. Qu'ont fait les moniteurs à votre avis? Kaufmann. Donc sortie d'école. Ouais, sortie d'école, c'est une sortie avec. Les moniteurs sont là. Voilà. Les enfants suivent. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait? Les enfants foutent le bazar. Qu'est-ce qu'on fait les moniteurs pour réagir? Exactement. D'accord. Et ils les ont enfermés. Enfermés, presque. Ils les ont laissés là-bas? Non. Ils les ont enfermés dans une voiture? Non. Mais c'était où en fait? C'est important le lieu? Non, c'est pas important. Bah, je sais pas, ils ont dû genre se tenir la main pendant 20 minutes? Non, ils ont fait pire que ça. Ils ont pris du scotch. Ouais. Ils ont pris une chaise, du scotch, et ils ont entouré les enfants comme ça ils bougeaient pauvres. Plus. Ouais. En même temps, c'est, à mon avis, c'était pas des moniteurs, mais des infirmiers. Troisième position, un homme a fait quelque chose dans un supermarché qu'il n'aurait jamais dû faire. À votre avis, c'est quoi? Un poil. Eh ben, presque. Mais c'est pas ça. C'est mon tonton. C'est pour ça. Laurent, c'est une idée? Bah, je sais pas, il a mangé un truc? Non. Il a mis le doigt dans les fesses d'une dame. Oh non. Oh non. Ah, si. Pourquoi? Bah, je sais pas. Il pensait que... Pourquoi tu fais ça? Il pensait que c'était un pot de Nutella, c'est tout. Il a dit, j'ai mal interprété un sourire. Voilà. Il pensait que la dame le souriait. Hop là, direct. Ah, ok, bon. Vaut mieux pas lui sourire. Hein. Deuxième position, c'est l'histoire d'une coloc. Deux personnes vivent ensemble. Et l'un des colocs a mangé les pizzas de l'autre. Ça lui a pas plu, donc le coloc a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Oula. Il lui a mis du laxatif dans ses aliments. Non, pire que ça. Il a acheté son téléphone dans les toilettes. Pire que ça. Oui. C'est vraiment horrible. Bah, c'est pas horrible, mais c'est bizarre, quoi. Est-ce que c'est un châtiment corporel? Quasiment. Ah ouais. Ah, il lui a épilé le torse la nuit. Non. Je sais pas, moi. C'est plus violent que ça, hein. Ah, ouais, quand même. Ah ouais, c'est plus violent. Ouais, j'ose pas. Tu sais pas? J'ose pas dire. Il a sorti un sabre en lui disant de lâcher ses pizzas. Non. Le mec, direct le sabre. Et là, mais non, quoi. Tu confonds, il voulait juste couper un quart. Peut-être. Première position, en fin de vie, une personne a fait son testament et la personne a donné sa fortune. Mais à votre avis, à qui? À son chat. À son chat pour toi, non. Son oiseau. Non, à son chien. Oh, ouais, mais j'ai des presque. Oui, ok, d'accord. Mais est-ce que vous êtes milliardaire? Est-ce que tu vas donner ta fortune, toi, à un chien? Mais il y a Karl Lagerfeld aussi qui a fait ça. Bon, il est pas encore mort. Mais il a en fait oui, désolé. Mais il a fait en fait un testament pour son chat. Mais c'est n'importe quoi ça, ah le chat, oui, bah quoi. Il a hérité. Mais il a pas de famille. Oui, mais alors. Bah oui, bah voilà, il fait ce qu'il veut, hein. Oui, c'est vrai, ils font ce qu'ils veulent. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Game Kaufman. Oui, on parlera de Pokémon Go, qualifié vraiment très bizarrement par un évêque. On a aussi des places pour aller faire du wave karting et le son dance floor avec Tiesto. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. Fun Radio, le son dance floor. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. History, the sun's about to go down, baby. Ooh, I wanna be wherever you are, baby. Ooh, impossible to take it too far. Summer nights, getting high like the first time you and I make it last forever. Summer.

Il est où le titre? Il est juste en dessous, vas-y. Ah ouais, The Chainsmokers Don't Let Me Down. Pas mal, pas mal. Laurence? The Chainsmokers Don't Let Me Down. Et je ne vais pas réessayer. On a des places pour aller faire du webkarting à gagner Kaufman. Allez, vous êtes libre ce dimanche 28 août. Vous avez envie de vous éclater, de passer une journée exceptionnelle à Zeebrugge et donc de nous accompagner faire du webkarting qui est une discipline entre le jet ski et le bateau. Ouais. Donc de faire un petit peu de vitesse pour le fun, un petit peu de frime aussi pour le fun, ouais. De surfer les vagues, okay. de vraiment vous éclater pendant une journée avec l'équipe de Fun Radio, mais également avec les auditrices et auditeurs, parce bien qu'on ne sera pas tout seul. Eh bien, vous nous envoyez MER, MER au 6322. Nous, on l'a testé. Vous pourrez retrouver toutes les images du wave karting si vous avez envie de voir ce que c'est sur le Facebook de Fun Radio. Ouais, alors allez-y, vous verrez certaines images assez drôles aussi. Hein, certains animateurs qui ont du mal à rester. Non, du tout. À rester assis, qui ont une drôle de couleur aussi, qui sont pas forcément bronzés, qui sont plutôt blancs. Ah, mais en tout cas, vous verrez l'essence même du wave karting. Ouais. Ce sport, cette discipline, qui en fait n'est pas du tout physique, parce que sinon j'en aurais jamais fait, moi. Vous êtes sur un engin motorisé, ouais. Vous allez à 50 km/h si vous en avez envie, vous éclatez sur la mer avec un moniteur, tout ça est accompagné bien évidemment. Et c'est Fun Radio qui régale, n'hésitez pas. Une journée de rêve qui va prolonger vos vacances, ouais. Qui va vous donner encore un petit goût. Et dans moins de 5 minutes, il y a un gagnant en plus. Donc Hoffman, faut y aller là, c'est le moment. Hein. Ah bah c'est le moment, c'est l'instant comme il disait, ouais. À la foire du midi. C'est le moment, c'est l'instant. Je sais pas, j'ai pas vu ça à la foire du midi. Bah, c'est ce qui va passer. C'était il y a 40 ans ça, c'est le moment, c'est l'instant. Non, j'étais pas né il y a 40 ans. Enfin presque. Vous envoyez MER, MER au 6322 pour 1€ le message. MER, MER au 6322 pour 1€ le message. Et on vous emmène à Zeebrugge avec les auditeurs et les animateurs de Fun Radio le 28 août, dimanche 28 août. Participez, vous ne le regrettez pas, on l'a testé et toutes les images sont donc sur le Facebook de Fun Radio. MER au 6322 pour 1€ le message. Et on prend le gagnant juste après. Le titre Chainsmokers, Don't Let Me Down sur Fun Radio. C'est bien, bravo Kaufman. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi ce sera un... Ah oui, moi aussi mettez-moi un... Bien, donc 3... Y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Un PC très lent. Ça rend très vite fou. Profitez donc très vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, d'ordi 2 en 1, de smartphones et plus encore. C'est uniquement maintenant dans nos magasins et sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Fun Radio. Fun Radio. Fun le son. Dance floor. Let me live on the line. I got a little freakiness inside. And you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say. I'm not about to pin nobody's way. Cause it's all about the dog in me. Mm-hmm. I want a freak in the morning, a freak in the evening. Just like me. I need a brother that can satisfy me. Just for me. If you are that kind of man. Cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We get all through the night, to the early morn. Come on and I will take you around the hood, on against the lead. Cause we can love any time of day, it's all good for me. everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. Oh yeah, and we get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on a gangster lead. Et au calme sur Fun Radio. KLM. C'est que du fun entre 17h et 20h. Le son dance floor continue avec Bob Sinclair sur Fun Radio. C'est le moment de découvrir qui a gagné ses places pour aller faire du wave karting. Et j'accueille Vincent qui est avec nous. Salut Vincent. Salut. Salut Vincent. Ça va bien Vincent? Super, la forme et vous? Ouais, nickel. Ouais. Bientôt le week-end. Tu fais quoi de beau dans la vie Vincent? Bah, je suis professeur d'éducation physique. Ah, non, mon pire cauchemar. Il est pour toi. Désolé les mecs. Hein. Ah, j'adore ça moi. Ah, bah, Laurence aime beaucoup, donc ça va Vincent, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir bien. Ouais. J'ai une question avant qu'on passe au Vas-y. Jeu. Est-ce que la poutre existe toujours à l'école? Ah non, ça quand même, voilà, quand même. Et le chevalet. Punir, ouais. Le chevalet. Punir, ouais. Le chevalet. Voilà. Ah non, attends, hey, t'as quel âge toi? Je vais te surprendre, Vincent. Je suis quand même plus jeune que moi. Alors, ayez un peu de respect. C'est vrai que c'est une radio. Bon, la musique, Non, mais Vincent, elle veut dire, vous avez quasiment le même âge, lui, David Kaufman et toi, ok? Oh là là, excuse-moi. T'inquiète, y'a pas de soucis, dis-moi. Tu sais qu'on va se voir bientôt. Hein. Même moi, j'ai même pas connu le chevalet, attends. Tu sais qu'on va se voir bientôt. Hein. Ah, ça va être sympa le webcart. Oh, ouais, c'est maintenant que je suis nager, moi, ça va. Ça va être chaud. On réglera ça sur le webcarting, t'inquiète pas. Tu as envoyé quoi au 6322? Tu as envoyé quoi au 6322? Ben, j'ai envoyé le mot mère. On vérifie. Pour une fois, c'est la musique de la défaite. Non, rigole, t'as gagné bien sûr deux places pour aller faire du webkarting. En plus, sur Akofman, tu pourras le voir en vrai. C'est un mec avec une casquette. Bon, on fera une photo et tout, et j'aurai le droit de dédicace quand même. Mais oui, t'inquiète pas. Il y a un mec qui me parle de chevalier encore sans moi, c'est incroyable. T'inquiète pas, je t'en apporte un le 28. On va faire ça ensemble. Le gars, il a vraiment, tu vois, non, je veux rien que pour lui, voilà. Passez une bonne soirée, Vincent, ok? Ok, un grand merci à vous. De rien, bisous, grand plaisir. Week-end, bye bye. Bisous, bisous, on prend tes coordonnées en antenne. Ne bouge surtout pas, Vincent. Le fun game Kaufman au taquet, c'est bon? Je sais pas. Il est déçu, Kaufman, mais t'inquiète pas, t'es jeune dans ta tête, c'est déjà ça. Allez, fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On vous et en a Pokémon. Parlé tout l'été, c'est le phénomène jeu vidéo, phénomène vidéo ludique de l'été. Il s'appelle Pokémon Go. Ouais. Il est téléchargeable à la fois sur Android mais également sur iOS, donc sur votre téléphone ainsi que sur votre tablette et autres joyeusetés du genre. Oui. Et puis il a été qualifié par un évêque italien assez virulent. L'évêque en question habite la ville de Noto. Et il est remonté à un point contre Pokémon Go, vous pouvez même pas imaginer. Et en plus, il veut que ça se sache, puisque c'est facile en fait de s'attaquer à un phénomène qui marche bien. Ouais. Parce que forcément, on est sûr que l'information va être répercutée. C'est une manière aussi de se faire de la publicité. Du buzz, ouais. Bah ouais, effectivement. Il a carrément qualifié Pokémon Go de fabrique de cadavres ambulants. Oh, c'est violent quand même. Enfin, je le redis, fabrique de cadavres ambulants. C'est mieux comme ça. Comme ça, effectivement, Kaufman. Et donc, le coup de pub a été assuré puisque l'information a été relayée sur tous les sites jeux vidéo dans le monde. Et maintenant, tout le monde connaît la ville de Noto. Et je vais même donner son nom. Enfin, non, je ne vais pas lui faire de publicité, je ne donnerai pas ce nom très bien, à l'évêque. On va s'arrêter là. On s'en fout d'ailleurs. Dans une heure, on évoque quoi, Kaufman? On parlera de la NX pour clôturer ce Fun Games de l'été. Bah oui, c'est notre dernière émission après Capri. C'est fini. Ah voilà, ils ont 20 ans, mais ils parlent un truc de vieux. T'inquiète pas, pour suivre son dance floor, ça se passe avec Bob Sinclair. Et là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ah, j'ai perdu ma feuille. Et moi, j'ai les signes. Tu te la pètes, hein. Viens, ouais. T'as retrouvé ou pas? Ouais, c'est bon. Okay, c'est on bon. Est au taquet du taquet. On forme un beau duo, il faut pas briser ce duo. Non, il faut pas trop mentir non plus, hein. C'est pas bien. On va se faire l'horoscope maintenant, mais l'horoscope dans la Power, ce n'est pas l'horoscope comme dans les autres radios. On prend les signes de base, ça, on est d'accord, mais après, on va vous dire aujourd'hui si vous allez passer, oui ou non, un bon week-end. Voilà. Les béliers. Alors, mamie, tous beaucoup, vous allez passer le week-end à l'hôpital avec elle, mais voyez le côté positif des choses. Pendant deux jours, vous serez pas obligé de changer ses couches. Taureau. Si vous êtes en couple, bonne nouvelle, votre petite amie n'est pas enceinte, c'est juste qu'elle a trop bouffé. Oh, dis ! Oh non, quoi, les Gémeaux. Ce week-end, vous allez vous faire larguer comme une vieille chaussette et en partant, votre copine, elle va même vous piquer votre casquette Batman. Cancer. Si vous êtes célibataire, vous allez faire de belles rencontres, une super nana avec une super surprise, plus grosse que la vôtre. Non. Les Lions. Vous avez de la chance, vous allez refiler tout votre boulot à votre nouveau stagiaire et vous allez aller faire la fête tout le week-end. Vierge. Vous êtes de corvée dimanche. C'est l'anniversaire du copain de votre fils, le clown qui devait venir à la gastro, c'est vous qui le remplacez. À la gastro ou pour le spectacle? Aux deux. Ah d'accord. Les balances. Vous allez recevoir les résultats de votre prise de sang. C'est pas des vitamines ABC que vous avez, mais des hépatites ABC. C'est pas cool, les scorpions. Alors bonne nouvelle, vous rentrez à nouveau dans ces vêtements qui étaient trop petits, vous avez maigri, vous êtes jolie. Et puis puis pouf, vous vous réveillez parce que c'est un rêve. Sagittaire. Ah, pas de chance pour vous, surtout si vous êtes stagiaire. Votre patron est parti s'éclater tout le week-end pendant qu'il vous a refilé tout le sale boulot. Capricorne. Tous les amis qui devaient venir vous aider pour votre déménagement vont se bourrer la gueule. Vous allez vous retrouver tout seul. Les Verseaux. Ce week-end, il va faire beau. C'est l'occasion de faire un barbecue entre amis. Alors, petit problème, vous n'avez ni amis ni barbecue. Mais c'est triste. C'est horrible. Les Poissons, pour terminer. Ce soir, vous allez sortir avec vos copines pour trouver des mecs. Le truc, c'est que vous êtes tellement pas joli que même dans un attentat, vous feriez pas sauter. Oh non. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Son dance floor, c'est Deoro qui débarque. Dans quelques minutes, il y aura le jeu du blackjack, il y aura aussi le chiffre du jour avec Laurence. Oui, les couples mariés ne le font plus qu'une seule fois par an. Une seule fois. Ouais. J'ai hâte de découvrir. Le fun game, Kaufman. Oui, on parlera pour terminer cette émission de la prochaine console de Nintendo et de ses performances. Il y a aussi des places pour aller faire du wave karting. Il nous reste deux places, c'est les deux dernières, Kaufman. Après, on n'en a plus. Bah après, on part surtout en vacances, donc là, on a plus. Vous envoyez mère au 6322 pour 1€ le message. On en a encore deux à vous filer, donc. Là, il est 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut, Carlo. Salut David, salut à tous. La Californie est en feu. Bon, la formule est un petit peu exagérée, je le reconnais, mais les incendies de forêt se multiplient en ce torride mois d'août dans le Golden State. Il y en a plusieurs qui sévissent un petit peu partout, des feux qualifiés de dantesques, c'est vous dire. Certains étant d'origine criminelle, des feux alimentés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation desséchée. Et bien, le produit de 5 ans d'une sécheresse sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir les flammes, des dizaines de milliers d'hectares ont brûlé, ainsi que de très nombreuses maisons. quasi un miracle que personne n'ait péri. On compte juste deux pompiers légèrement blessés. Alors, en principe, cette saison des feux dure jusqu'en octobre, mais aujourd'hui, c'est toute l'année que les pompiers sont sur la brèche. Pour vous dire, depuis le début 2016, on a déjà eu droit à 4600 feux en Californie qui ont dévasté 121 000 hectares. Et il n'y a évidemment pas que la Californie qui est concernée par les incendies de forêt. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site InciWeb. On y répertorie tous les feux actifs aux États-Unis et c'est plutôt impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi aux USA, c'est le taux d'endettement des étudiants. Un truc de malade, hein. Les étudiants se mettent parfois jusqu'à 20 ans pour rembourser le prêt qui leur a permis de faire des études, ce qui est de plus en plus contesté, d'ailleurs chez l'oncle Sam. Mais ce qui a donné des idées chez nous, on semble assister à une américanisation des études. Une banque en ligne propose en effet un crédit pour les students avec un taux annuel supérieur à 7%. Ben, les études en Belgique ne sont pas aussi onéreuses qu'aux États-Unis, mais elles sont de plus en plus chères. Un résultat, la pauvreté des étudiants augmente. Des gens qui se retrouvent souvent dans des situations dramatiques, même que ça choque les vice-recteurs de l'ULB et de l'UCL, pour qui des crédits bancaires visant ce public, c'est quelque chose d'obscène et de dangereux. Bon, ça concerne donc l'enseignement supérieur, mais je rappelle que TestAchat et la Ligue des Familles ont lancé une pétition pour demander que dans le primaire et le secondaire, on respecte ce qui est prévu dans la Constitution, à savoir la gratuité de l'enseignement. C'est qu'on en est très loin. Une année scolaire coûte en moyenne 1 225 € dans le primaire et plus de 1 500 dans le secondaire. Notre décathlonien Thomas Van der Plaats n'a pas fait aussi bien que l'heptathlonienne Nafi Thiam, lui qui n'a pas remporté de médaille à Rio. Mais ce qu'a réalisé ce garçon est tout aussi admirable, hein, vu qu'il a battu son record personnel et terminé la compétition à la 8e place, ce qui était son double objectif avoué. Et ce, alors que, rappelons-le, il a dû venir à bout d'un cancer des testicules. Un grand champion, sacré d'ailleurs le mois dernier champion d'Europe, mais avec un total de points moins élevé que celui qu'il a réussi au Brésil. Dans quelques minutes, c'est juste du blackjack qui arrive, mais là on fait un point sur la météo avec Carlo. Quel temps pour demain ce week-end? Un week-end mi-figue, mi-raisin, on va dire, hein, pas terrible, terrible. Cela dit, à partir du moment où on sait que le soleil sera vraiment de retour la semaine prochaine, avec aussi une petite vague de chaleur, avec des maxima pouvant grimper jusqu'à 30 degrés, eh bien on prendra son mal en patience. Voilà, tous un excellent week-end, je vous retrouve lundi à midi, et vous laisse en compagnie de David et du son de Deoro. Salut. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Let's go, c'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! We'll be right back. Cachemire arrive sur Fun Radio. Et on joue au jeu du Blackjack avec Geoffroy qui est avec nous. Salut Geoffroy. Bonsoir à tous. Salut Geoffroy. Ça va bien Geoffroy? Ça va, tout va bien. Tout va bien. C'est la fin de la semaine, donc tout baigne. Parfait, le week-end arrive, magnifique. T'as un petit accent, tu nous appelles d'où? Moi j'appelle de Bruxelles. Ah bah non, pas... J'aurais dit de la région Wallonne. Mais non, toujours pas, désolé Kaufmann. Bah à mon avis, quelle commune? Attends, quelle commune? Ah en fait, j'habite à Nivelles. Ah, voilà. On y arrive, enfin. Voilà. Tu viens jouer au jeu du Blackjack, je te dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun, ok? Ok, et si tu as... Et si tu as 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. Ah, super. Voilà, allez, première carte que je vais dévoiler, attention. C'est un 5. On continue. Ça va. Oh bah, encore, ouais. Oh bah encore, bien sûr, et oh gamin. Deuxième carte. C'est encore un 5, 5 plus 5. Ah, 10. 10. Ah, bah on va continuer. Ok, oui. Très bien, ok. J'obéis. Troisième carte. C'est un 7. 10 plus 7. 17. 17. Arrête-toi. Oui, oui, oui. Arrête-toi. Non, continue. Raccroche. Bon, bah on va tenter. Mais bah, oui, encore une, c'est la dernière. Allez, on va tenter. Attention. Là, j'ai mal pour toi. Moi aussi. Attention. Eh ben moi non, j'ai confiance. Je dévoile la carte. Attention. C'est un 4. 17 plus 4. Non. 21. 21. Ah. Ouais, c'est gagné, jeu vidéo. Bravo, bien, Geoffroy. Bravo, Geoffroy. T'as une console? Non, j'en ai pas, mais je comptais peut-être en acheter une. Ah voilà, parfait. Ah, okay. Bah, on donnera le jeu sur la console que tu désires acheter. Ça sera j'ai des enfants, donc ça j'aurais peut-être promis d'en acheter une. Quoi. Donc, voilà. Bah, tu nous tiens au courant et nous on t'envoie le jeu qui correspond à la console que tu vas acheter. On fait comme ça, Geoffroy. Merci beaucoup. De rien. Un grand merci à Fun Radio, merci beaucoup. Hein. De rien, avec grand plaisir, Geoffroy. Passez un bon week-end et une bonne soirée, ok? Bonne soirée à vous. Merci, merci. Bonne année. Hein. On prend des coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas pour la suite. On a des places pour aller faire du wave karting, Kaufmann. Hein. Oui, vous avez envie de passer la journée du 28 août avec nous. Eh bien, ça va se passer là tout à l'heure. On a encore une fois deux places à vous offrir. Vous emmenez qui vous voulez à Zeebrugge ce 28 août avec les animateurs et les auditeurs de Fun Radio pour faire le sport que tout le monde a envie d'essayer au moins une fois dans sa vie, le wave karting. Vous envoyez MER au 6322 pour 1€ le message. Et là, voici Cachemire et Wildcard. C'est que du fun sur Fun Radio. Bonne soirée. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall.

passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Le son Dance Floor. Let's go. Fun. Dans quelques minutes, c'était Ray Streffy qui débarque sur Fun Radio. Il y aura aussi le Fun Game, mais là, place au chiffre du jour avec Laurence. Alors oui, à votre avis les gars, qu'est-ce que font les couples une fois par an, une fois qu'ils sont mariés? Une fois par an? Ouais. Ouais, une fois par an, je sais pas, s'embrasser? Non, c'est peu. Non, une fois par t'imagines an, c'est peu. Kaufman, t'as une idée? Une fois par an, partir en vacances? Non. Aller au restaurant? Non. Ah, oh, une fois par an. Un couple marié, c'est ça? Oui. Une fois par an, je sais pas. Pas faire l'amour, non. Ah, ça serait triste. Hein. C'est sûr que ça serait triste. Je sais pas, une fois par an, Kaufman. Une petite idée, mais je peux pas la dire. Elle est encore beaucoup trop tôt. Okay. Je sais pas. Est-ce que ça a à voir avec la famille? Non, pas vraiment. C'est une activité? Non. Non plus? C'est pas une activité physique? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un truc dans le couple? Oui. C'est un truc dans le couple? Acheter des cadeaux? Non. Offrir des roses? Non. Dire je t'aime? Oui. Ah, c'est dire je t'aime combien de fois? Une fois par an. Non. C'est trop triste. Une fois par an? Bah non. Bah si, je te jure. Kaufman, tu dis combien de fois toi? Moi je suis quelqu'un qui le dit pas, donc Ah ok, à zéro. Je trouve ça quand tu le dis trop, finalement ça perd de son intérêt, tu vois. Ouais, ouais, okay, bon, une fois par an. C'est triste, hein, aussi. Bah justement, mieux vaut pas le dire. Et c'est vaut, vrai. Faut pas le dire, faut le montrer, voilà. Ah, oh, c'est beau ça. Ouais, pas mal. Ouais, faut voir les preuves après, quoi. Donc une fois par an, c'est ça. Ouais, bah c'est ça, c'est une stat qui a montré ça. Et bah moi je trouve ça quand même un peu triste parce qu'on dirait qu'au début, bah on dit je t'aime, on fait des petites attentions et tout. Et une fois que c'est acquis, bah voilà, calme plat, c'est fini. Je sais pas, les gars ou même les filles, faut vous reprendre, quoi. C'est pas parce qu'on est mariés qu'on se laisse aller, quoi. Ouais, parce que là, c'est les couples mariés. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas c'est les couples tout court. Bien parce qu'ils sont mariés, exactement. Voilà, après le mariage, généralement, ouais, c'est bon, elle est mariée. On se laisse aller. Elle est chez moi, c'est ouais, bon. C'est ça. Elle va rester à la maison, celle-ci. Allez, pour la suite, le fun game, Kaufman. On parlera pour terminer cette émission de la NX, console plus puissante que prévu. Encore une information exclusive, mais voici la belle, la douce, la tendre Hera Estrefi et Bonne Bonne sur Fun Radio. Autonose pour la suite du son dance floor. C'est l'heure du fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. Non mais comment t'annonces ça? De quoi? C'est l'heure du fun game. C'est l'heure du dernier fun game. Ah, le dernier fun game. Excusez-moi. Si tu pouvais verser en plus une petite larme, tu serais mon bonheur. Ok, pas de soucis. C'est le dernier fun game de la saison. Oui, je sais bien, je sais, oui. Alors dis-le solennellement. On la refait, vas-y. Ok, on la refait. Attends, on la refait. C'est l'heure du dernier fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Avec Kaufman. Encore un jeu qui joue bien la comédie, hein, franchement. On va vous parler de la NX pour terminer. La NX qui est la successeur de la console Wii U et qui arrivera normalement courant 2017, si je ne me trompe pas. Eh bien, elle sera dévoilée en septembre, ça on vous l'a déjà dit. Et on a appris une nouvelle très très importante. Ah. Le processeur qu'elle embarquera. Longtemps, on a cru que c'était le vieux processeur. Je ne vais pas vous dire le nom, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, bien que... On pensait que c'était le Tegra X1. Ok, le vieux. Le vieux. Ok, très bien. Qui était sorti en 2015. Ouais. Sauf que certaines fuites indiquent que ce n'est pas ce processeur-là, mais ça serait le Tegra X2. Et là, c'est quoi ça? C'est le modèle suivant. Ah, ok. Ce qui fait que la console qu'on pensait plutôt faible devient tout d'un coup... Forte. Puissante, oui, je suis. Maintenant, il va falloir attendre septembre pour avoir ces confirmations. Mais si c'était vrai, ça voudrait dire que ça la replacerait quand même dans une gamme de consoles intéressante avec une technologie embarquée, puisque vous le savez, le processeur, enfin vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le processeur fait aussi que on peut lire des jeux d'une manière plus, oui, ça change quoi, le processeur, plus détendu. On peut lire des plus gros jeux, des plus grosses productions. On peut produire de plus gros jeux en fait. Ok, très bien. C'est pas le graphisme. Ça n'a rien à voir, ça. Si, c'est le processeur. Dans un ordinateur, le processeur il gère à peu près tout. Sauf que maintenant, okay, t'as les cartes graphiques qui sont embarquées en même temps. Enfin bon, c'est une bonne nouvelle. T'inquiète pas. Merci. Je vous rappelle que la NX, dès que vous dévoilez en exclusivité, normalement devrait être une console hybride, à la fois rattachée à la télé, si vous en avez envie, mais à la fois console portable. Ah oui, c'est vrai. Et le tout devrait être compatible avec votre téléphone portable et donc pouvoir télécharger des applications Android. Évidemment, tout cela est à prendre au conditionnel. Et les confirmations tomberont pendant nos vacances en septembre. Okay, parfait. Merci Kaufman pour ce dernier fun game. C'est vraiment c'est beaucoup d'émotions, quoi. Ouais. Ouais, ta petite casquette là, tes petites feuilles, voilà, dernier fun game, quoi. Voilà. Ça fait mal, quoi. Hein. Ça fait quelque chose. Bon, allez, n'en fais pas trop non plus. Ouais, c'est vrai, ça fait pas grand chose au final. Allez, des places pour le web karting à vous offrir dans quelques minutes, Kof. Hein. Oui, on vous emmène faire du sport extrême. Le web karting, c'est une journée exceptionnelle que Fun Radio vous propose. Vous serez les derniers à la gagner. Vous envoyez mer au 6322 pour 1€ le message et on vous emmène. Et là, voici Autonos et Avicii, Where Back I Belong sur Fun Radio. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. instant, c'est le Belge Alex Germis qui débarque sur Fun Radio. Et c'est votre dernière chance pour gagner deux places pour aller faire du wave karting. Il y a un gagnant dans moins de 5 minutes. C'est votre dernière chance. Nous, on a fait du wave karting. Il y a même la vidéo qui est disponible sur le Facebook de Fun Radio. Laurence, une dernière fois, je te pose la dernière question, quoi. Ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que t'as ressenti? Explique-nous vraiment ce qu'est le wave karting au final. Ben, le wave karting, c'est un hybride entre un jet ski et un bateau. Ouais. Et ça m'a fait quoi? Ben, c'est juste incroyable. Parce qu'en fait, t'es tout seul, t'es le maître à bord. Donc, tu surfes sur les vagues et tu vas à toute vitesse. Après, c'est à toi de choisir la vitesse. Mais moi, perso, j'ai choisi d'aller à toute vitesse, d'aller à 50 km/h. Et ça m'a fait juste du bien. Tu prends l'air frais de la mer. Et voilà, t'es en compète avec tes potes à côté. Il y aura les animateurs, il y aura les autres auditeurs. Donc, ce sera vraiment une super chouette journée. Donc, envoyez mer au 6322. C'est 1€ par message. Ouais, mer, M-E-R au 6322. C'est votre dernière chance. Après, on a deux places là. On les offre dans moins de 5 minutes. Après, on n'en a plus. Donc, allez-y, envoyez mer, MER au 6322. Vous allez pouvoir défier Kaufmann. Ça se passera un dimanche, Kaufmann, c'est ça? Dimanche 28 août, on se donne rendez-vous à Zeebrugge pour une journée totalement exceptionnelle. C'est vraiment un très joli cadeau. En plus, vous amenez la personne que vous avez envie de voir à vos côtés. Vous alternerez celui qui conduit et celui qui regarde, ou en tout cas qui est derrière. Ouais. Et puis voilà, on s'amusera bien, on rigolera bien. Et voilà, c'est les dernières. Maintenant, faudra pas venir nous dire qu'on vous a pas prévenu. C'est une journée exceptionnelle qu'on vous offre là à Zeebrugge au wave karting. Vous envoyez mer au 6322 pour 1€ le message. Et le jour où vous allez inviter la personne là, vous décrochez votre téléphone. Allô, j'aimerais t'inviter au ciné. Non, j'ai pas envie de manger. Non, j'ai pas envie. Non, faire du wave karting. Ah, ça claque. Hein. Putain, c'est quoi du wave karting? Vraiment, ça claque. C'est un magnifique cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. Donc allez-y, envoyez mer, MER au 6322. C'est votre dernière chance. Je vous laisse le temps d'Alex Germis, 3 minutes et 37 secondes pour envoyer mer, MER au 6322. 1€ par message. Allez-y. C'est un magnifique cadeau qu'on a à vous offrir. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc très vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, d'ordi 2 en 1, de smartphones et plus encore. C'est uniquement maintenant dans nos magasins et sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. She's Miss California. Part of me wants to lay housing by the water. Save the yacht across the bay. Drive to Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. Superstar, they know her name. She's Miss California. Part of me wants to lay housing by the water. Save the yacht across the bay. Drive to Marinello. Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Part of me wants to lay housing by the water. Say the yacht across the bay. Mieux pourquoi? She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficiel, je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Et elle m'a emmené. J'ai voulu tenter le coup avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. l'émission qui fait dabé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. So far. D'ici 20h, le duo Rihanna et Drake. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Et voici notre dernier gagnant pour les deux places pour aller faire du wave karting. Et c'est Delphine qui est avec nous. Salut Delphine. C'est donc une gagnante. Salut. Oui, c'est une gagnante, effectivement. Salut Delphine. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, en pleine forme. Tu as quel âge? Tu nous appelles d'où? J'ai 23 ans et j'appelle de Liège. De Liège! Encore une Liégeoise! Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ramené lui. tu habites près du carré? Maintenant j'habite près du carré, ouais. Ah oui, on va aller faire la fête au carré. Hein, ouais. Dis-moi Delphine, t'as envoyé quoi au 6322? Mère. T'as envoyé mère, on vérifie. Belle radio! Bravo! Tu repars avec deux places pour être amusé avec Kaufman. Ah, génial! Surtout pour faire du wave karting, tu sais déjà avec qui tu vas aller? Oui, je pense bien, oui. Avec qui? Je pense avec mon copain. Eh ben, c'est parfait, on se retrouve le 28 août sur la plage, en forme, parce que honnêtement, je vous attends de pied ferme, hein, tous les auditeurs. On va bien s'éclater, croyez-moi, j'en ai déjà fait. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les choses. La grosse tête du n'importe quoi. Bon, bonne soirée Delphine, passe un bon week-end, ok? Bonne soirée à vous, au revoir. On prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas Delphine. D'ici 20h, il y aura les meilleurs moments de la Power avec Audrey, Rihanna et Drake. Puis après, Alan Walker à 20h. C'est Party Fun qui prend le relais avec Oli. Dès lundi à 17h, vous retrouvez la Power avec Audrey. Ils ont plein de nouveautés. Vous allez bien vous amuser entre 17h et 20h. Dès lundi, c'est la Power qui revient. Nous, on se retrouve quand, Kaufman? Ah ben, on va se retrouver le 3 septembre. On se retrouve? Bah oui, merde. L'information est tombée. Le 3 septembre, tendez bien l'oreille. Si vous êtes très matinal, tendez aussi l'oreille parce qu'on sera là pour vous réveiller tous les week-ends sur Fun Radio. L'information vient de tomber aujourd'hui, donc on vous l'annonce aujourd'hui tous les week-ends sur Fun Radio. Eh bien, le morning sera belgo-belge et on vous réserve plein de surprises. Rendez-vous donc le samedi 3 samedi septembre. Samedi 3 entre 7h et 10h. Et oui, c'est que du fun revient. Effectivement. Merci Kaufman pour ces deux mois d'été. Ben oui, je vais aller me reposer. Bonnes vacances. Merci beaucoup Laurence. Ben, merci. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tout le monde pour ceux qui vont peut-être partir, pour ceux qui partent en septembre. Bon courage pour ceux qui vont reprendre la rentrée et retrouver dès lundi à 17h la Power. Ciao. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On va faire la chronique de Kéké. Kéké qui est resté en studio, il est puni, voilà. Il est privé de saucisses, pauvre Kéké. Bon alors Kéké, tu m'as promis de me faire découvrir des nouveaux sons, fais-nous rêver. Ah bon, ben franchement, je vous ai trouvé du lourd les amis. Donc vous connaissez tous Bob Sinclair ou pas? Non, pas du tout. Qui c'est ça? J'ai entendu parler de ce monsieur, mais... Rock this party. Bon alors, qu'est-ce qu'il a fait Bob Sinclair? Ah ben, il est de retour et franchement, mais son son, il déchire. Mais je vous laisse écouter, c'est Someone Who Needs Me, c'est sa nouvelle musique. Ça va l'anglais sinon? Ouais, mais franchement, elle est cool. Voilà, et entre-temps, il y en a fait vraiment quelques-unes, mais franchement, celle-là, je trouve que c'est sa meilleure. Et quoi? Et c'est tout? Et on a même ça pas donne envie d'écouter. De bouger. Ah, si, voilà, je te laisse écouter. Eh, vas-y, fais-nous plaisir. Bah, il est cool, hein, le nouveau Bob Sinclair. Ça fait très été, je trouve. C'est beau, merci, ça. Merci, Fab. Terrasse, cocktail, plage. Ça fait justement barbecue sur le parking de Fun Radio. Voilà, ouais, ça, et c'est avec du bon son. Le soleil aussi. Et dites-nous ce que vous en pensez, tiens, de nouveau Bob Sinclair, vous de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages. T'as chopé d'autres nouveautés aussi? Ouais, et alors j'ai fait une petite trouvaille ce week-end, donc c'est sur Spotify, et j'étais vraiment au taquet. Et alors c'était une reprise, et je vous laisse vraiment deviner c'est laquelle. Ben, ici, c'est Sophia Carson et J Balvin, et le titre c'est Love Is a Name, mais il y a une chanson qui est derrière tout ça, et je vous laisse écouter. Oui. Ah non, chute, attends. Sandra Kim, Eurovision, 1992. J'aime la vie. Non, je sais pas ça, Audrey. Non, mais excuse-moi, mais on doit découvrir quoi, là? Moi, j'ai rien compris. Ah oui, Life is Life. Oh là là. Oh là là. C'est qui chante ça? Balvin, donc c'est un qu'on a pu retrouver avec Enrique Iglesias entre autres. Et donc voilà, là le premier. Mais c'est qui l'original? Life is Life. Ah par contre, ça, tu me poses une colle. Ah, tu fais mal. Bon, et s'il y a quelqu'un qui a une idée du groupe de Balvin là, dites-le nous au 3044 parce qu'on est un petit peu largué. Dès qu'il est des questions de son de plus de 20 ans là, ça y est. Il y a plus personne. Il y a d'autres nouveautés encore ou alors? Il y en a encore plein, mais je reviendrai un autre jour avec. Ah bah comme ça toi. Il se fait désirer, c'est le petit. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Nouveauté Fun Radio, Rihanna et Drake. Too Good, c'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son dance floor. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. Lately you just made me worse.

sur Twitter. Je suis Fun Radio sur Twitter. Toute la journée, vous tweetez, retweetez votre radio préférée. Je follow Fun Radio sur Twitter. Rejoignez les milliers de connectés Fun Radio. Suivez Fun Radio sur Twitter. Yeah.